professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment notre système politique se fonde-t-il sur la métaphore eucharistique de l'incarnation? Comment la croyance autour de la religion royale s'effrite-t-elle? Ou n'était-ce pas difficile à croire dès le début? Pourquoi l'Église a-t-elle toujours choisi le récit le plus invraisemblable? Pourquoi les rois chassent-ils? Qu'est-ce que le pouvoir cannibale? Patrick Boucheron, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle, nous entraîne dans une grande réflexion-enquête autour des fictions politiques dans le cadre de la série de cours qu'il a donné début 2017 au moment de l'investiture de Donald Trump et dans le contexte de la montée des populismes. Dans une interview donnée au Collège de France, l'historien explique que si le pouvoir s'impose par sa capacité à se raconter, par la puissance de la fable, il s'impose également en tordant le récit de nos propres vies. Patrick Boucheron propose donc de chercher les origines, sinon les commencements médiévaux, entre l'art de gouverner et l'art de raconter. Dans les cours précédents, il a posé l'hypothèse de la société eucharistique, distinguant le caractère englobant des pouvoirs religieux par rapport au pouvoir laïque qu'il qualifie de prédateur. Aujourd'hui, il oppose la manducation de la métaphore eucharistique qui peut fonder notre système politique au caractère cannibale du pouvoir qu'il analyse de la monarchie médiévale jusqu'au Léviathan de Hobbes. Dans sa leçon inaugurale en 2015, Patrick Boucheron a mis en évidence, et je le cite, « l'énigme théologico-politique qui est le propre de l'histoire occidentale, son reste inassimilable, car nous sommes encore redevables, nous dit-il, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou pas, de cette longue histoire qui fait du sacrement eucharistique la métaphore active de toute organisation sociale. » Reposant sur la théologie de l'incarnation, elle informe et contraint l'implicite d'une théorie de la représentation, entendue à la fois dans son sens figuratif, comme agissent les images pour rendre présente l'absence, et son sens politique, comment s'organisent les institutions pour déléguer le pouvoir des communautés introuvables à des représentants. Comment comprendre les pouvoirs symboliques, demande l'historien, pour noter aussitôt que les effets du pouvoir symbolique sont tout sauf symboliques. Ils consistent dans la mise en partage d'un monde de pensée, nous dit-il encore, de valeurs d'image et d'intentions que l'on peut appeler imaginaires, mais qui accèdent à une existence concrète dès lors qu'il devient socialement tangible. Ainsi, l'histoire des pouvoirs trouve son origine dans la révolution symbolique initiée par l'Église, mais capturée ensuite par les pouvoirs laïcs. Aujourd'hui, c'est l'imaginaire sanglant, de l'Eucharistie à la chasse royale et au déni du cannibalisme, que l'historien explore à la lumière de la fiction politique. Il a précédemment lu le songe du roi Louis VII. Le roi Louis, avant la naissance, eut cette vision pendant son sommeil. Il lui semblait que son fils Philippe tenait dans sa main un calice d'or plein de sang humain qu'il offrait à tous ses grands et tous y buvaient. Patrick Boucheron nous proposera un deuxième songe, mais avant ce retour au Moyen-Âge, il analyse à l'opposé la mise à mort de la royauté, la fin de la croyance dans la religion royale, avec le retour piteux de Louis XVI après la fuite de Varennes. Et nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 7 février 2017 pour le cours de Patrick Boucheron sur les fictions politiques, aujourd'hui le pouvoir cannibale. Pour comprendre le rituel médiéval de l'entrée, j'ai pas envie, effectivement, c'est bien connu, de faire la démonstration du fait que l'entrée, que la fête roi est une fête dieu. Mais on peut saisir, par exemple, ce fait par son retournement révolutionnaire. La fuite à Varennes, dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, et surtout le retour piteux du roi, est une épreuve politique de subversion cérémonielle. Après tout, c'est Louis XVI qui fut régicide, le premier, symboliquement, en se déguisant en laquais pour fuir. Pitoyable métamorphose, écrit Michelet dans son Histoire de la Révolution française, se demandant ce qui se serait passé si l'habit du sacre, si les régalias, si tout ce bric-à-brac de la sacralité, le sceptre, etc., si Louis XVI ne l'avait pas planqué dans la malle de sa berline. Et Michelet d'écrire « Qui eût osé l'arrêter si, écartant ses vêtements, il eût montré cet habit ?» C'est une question sérieuse. C'est une question sérieuse. Au lieu de ça, Louis s'est dépouillé de sa majesté. Exactement comme le Richard II de Shakespeare. « Je retire ce lourd diadème de ma tête, ce sceptre incommode de la main et de mon cœur l'orgueil du pouvoir royal. » Cette défaite du corps souverain qui produit une désacralisation fatale. Or, comment prend fin l'aventure ? Louis, inquiet de ne pas voir arriver Choiseul, passe la tête à la portière à Sainte-Ménéhould. Les témoins le reconnaissent. La légende dit parce qu'ils l'ont vu. Sur quoi ? Sur une monnaie ? Non, sur un assignat. Où la silhouette était mieux dessinée et où d'ailleurs la signature également de Louis fait circuler la monnaie. On aura reconnu d'ailleurs nos papiers d'identité. Un portrait ressemblant une signature. On lui demande son passeport. Il ne l'a pas. C'est terminé. Et ce qui est terminé, au fond, Mona Ozouf l'a décrit magnifiquement comme la mise à mort de la royauté, c'est-à-dire de la croyance dans ce paternalisme bienveillant et très chrétien qu'incarnait la monarchie de Louis XVI, avec ce retour du roi à Paris jusqu'au 25 juin, la dernière entrée royale, le rituel à l'envers, comme le cortège funèbre de la royauté, où, pour le dire avec Michelet, alors lisez cette page sublime où il décrit la berline qui revient dans, je cite, « une excommunication du silence ». Le charme s'est rompu. Les cahiers de doléances avaient globalement exprimé une obéissance sans faille, et c'est ce qui se brise avec la fuite du roi. Significatif est cet aveu d'un des gardes du corps, d'ailleurs de Louis XVI, lors du procès intenté aux acteurs de Varennes. On l'accuse d'avoir été plus fidèle au roi qu'à sa patrie, et il répond qu'il ne comprend pas cette distinction. « Je déclare que je crois le roi et la patrie indivisibles et que rien au monde ne me les fera séparer. » Donc, le roi et la patrie sont en fait comme l'avers et le revers d'une même médaille. Et donc, c'est pour cela, au fond, qu'il ne faut pas tout à fait croire à l'histoire, même si elle est un peu entraînante et de grand style, que je viens de vous raconter. Non, ça ne se passe pas comme ça. Une croyance ne s'écroule pas dans une excommunication du silence. En fait, elle s'est peu à peu effritée, très lentement fragilisée, parce que, nous l'avons vu la fois dernière, la transsubstantiation est difficile à croire. Et ce que l'on doit comprendre, justement, c'est que la décroyance n'arrive pas d'un coup, comme une révélation héroïque, et que si je tâche de décrire la société eucharistique comme une fiction politique, c'est pas justement pour construire ce grand tout médiéval, mais au contraire pour en saisir les failles internes. C'était difficile à croire, dès le départ, dès le XIIe siècle. Et ceux qui vont les premiers en payer le prix, ce sont les Juifs. Et oui, ce sont la violence antisémite dans un contexte chrétien, elle est toujours le terrible marqueur de la faiblesse de croire, des difficultés à croire, de cette incroyable, je ne sais pas comment l'appeler, enfin de ce choix qu'a eu l'Église dès qu'elle était confrontée à des choix, des hérésies, de prendre toujours le parti le plus difficile à croire. Il faudrait ici, effectivement, faire intervenir l'imaginaire de l'hostie profanée, du fantasme antisémite du crime rituel juif. Prenons par exemple le cas tristement célèbre d'un événement qui se serait déroulé à Paris en 1290 et qui est relaté par le chroniqueur florentin Giovanni Villani. C'est une chrétienne qui vend une hostie consacrée à un marchand juif afin de dégager le manteau de son mari qu'il avait perdu au jeu et qui est en gage chez le prêteur juif. Donc, vous voyez, tous les stéréotypes y sont. Le marchand essaie de faire frire l'hostie en famille, évidemment, comme ils font tous, hein, et du sang en jaillit miraculeusement, ce qui fait venir les hommes d'armes et massacre les Juifs. Tout est dit, évidemment, dans cette scène terrible, parce que réelle, parce que à l'origine, évidemment, cette rumeur est à l'origine de bien des pogroms. Cette scène, par exemple, elle est peinte par Paolo Uccello sur la prédelle d'Urbino entre 1467 et 1468, sur un bois peint, commandé par la compagnie de l'église du Corpus Domini, justement. Et à ce moment-là, elle percute un autre événement contemporain, bien célèbre, puisque le jeudi saint 1475, dans la ville de Trente, en Italie, un jeune garçon disparaît. Il se nomme Simone, et il est âgé de 2 ans et demi. 3 jours plus tard, son cadavre est trouvé dans un puits. Et on trouve aussi que ce puits est adjacent à la maison d'un juif, Samuel de Nuremberg. Et, très rapidement, les juifs sont accusés de meurtre. Et, à ce moment-là, sous la torture, les présumés coupables finissent par avouer leur culpabilité et décrivent en détail la manière dont ils ont commis l'infanticide en un rituel précis où il s'agissait de recueillir le sang de l'enfant pour préparer les pains azim qui, mélangés au vin, devaient bénir la stable du Céder. Et au terme d'un procès expéditif, les accusés sont condamnés à mort. Et à partir de ce moment-là, à partir du crime de Trente, il y a toute une série d'accusations en Europe de crimes rituels, à partir effectivement de ce fantasme incroyable. On va prendre des enfants pour récupérer leur sang et faire du pain azim. Et vous voyez bien ce que ça pointe, cette difficulté. Donc, on pourrait décrire les packs sanglantes des préjugés antisémites et, d'une manière générale, ces manifestations de violence paroxystique contre les Juifs en contexte chrétien comme, justement, le marqueur des failles de la société eucharistique elle-même. Mais c'est vers une autre direction que je voudrais prendre, aujourd'hui, ou plutôt vers la direction difficile, désagréable, que fantasme l'imaginaire antisémite du crime rituel, c'est-à-dire la dévoration, c'est-à-dire manger ses enfants, ou son père. Et ce, toujours à partir de ce rêve de Louis VII relaté par Rigord dans ses Gesta Philippi Augusti, repris par Giraud de Barry dans son De Instructione Principis, mais que l'on retrouve également transmis par Benoît de Saint-Maur et Gauthier Mapp. Et donc, à partir de Giraud de Barry, je reprends une bifurcation. Un autre rêve royal, celui de Guillaume II le Roux, roi d'Angleterre, de 1087 à 1100. C'était un jour où le roi chassait. Il s'est égaré dans les bois. Il a faim. Il aperçoit une chapelle dans une clairière. Il y entre et voit sur l'autel le corps gisant d'un cerf. Un cerf, l'animal. L'animal, c'est le symbole du Christ, parce que, dit-on, sa chair est putrescible. C'est pourquoi la chasse du cerf a toujours la signification religieuse d'une quête spirituelle. Il sait que la viande est crue, mais voilà, il a faim, il a trop faim, il mange le cerf. Et au moment où il mange le cerf se transforme en homme sanguinolent. Effrayé, il se souvient de son rêve, de celui qu'il avait fait la nuit précédente, où il a fait ce cauchemar qu'il avait faim et qu'il a mangé de la chair humaine. C'est un roi qui rêve. Il rêve qu'il mange de la chair humaine. Et il rêve qu'il mange de la chair humaine au moment où il se rend compte que sur l'autel, présence réelle, le cerf, le Christ, c'est un homme qui souffre. Le lendemain, le roi va demander à l'évêque de Winchester l'explication de sa vision. Et le prélat dit, l'homme reposant sur l'autel, c'est le Christ. Et tu l'as dévoré parce que tu es un tyran. Eh oui. Donc, par contraste avec cet autre rêve, envers monstrueux de l'Eucharistie, la scène royale d'un Philippe Auguste donnant à boire du sang au baron du royaume, c'est clair. Ce serait quelque chose comme les deux espèces, la communion sous les deux espèces du pouvoir. Boire du sang au baron, donner la chair à manger, ainsi que l'a montré Jerzy Pisiak dans son article sur Philippe Auguste, roi des derniers temps, paru dans les Annales en 2002, le Christ roi, dans le rêve de Rigor, n'avale pas le corps du royaume, mais injecte dans les membres du pays le sang vivifiant. Donc on aurait le bon roi qui se donne à manger, qui se donne à boire, comme un Christ roi, et le mauvais roi qui dévore son peuple. Ouais. Mais en même temps, je ne sais pas vous, mais ce roi qui fait boire un à un ceux qu'il va déposséder du sang dans le calice, on ne peut pas faire quand même complètement comme si on n'avait pas vu le traumatisant épisode 9 de la troisième saison de Game of Thrones, les noces pourpres, banquet au cours duquel les Stark se font massacrer après avoir mangé leurs propres enfants. On ne peut pas vraiment non plus faire comme si on n'avait pas vu l'étrange ouverture du film de Pierre Scholler, L'exercice de l'État, où une femme nue se fait dévorer par un crocodile dans le bureau du ministre des Transports. Disons qu'une fois qu'on a vu ça, une fois qu'on a reconnu l'ombre menaçante qui plane sur la scène royale, alors on est exactement comme dans cette chambre peinte que je cherche à quitter, peinte à fresque à Sienne par Lorenzetti en 1338, deux rêves politiques affrontés, écartés, mais aussi face à face, en vis-à-vis. Et au fond, c'est de cela dont je voudrais continuer à parler aujourd'hui, de ce pouvoir cannibale. C'est le titre. Alors reprenons, encore une fois, si vous le voulez bien, reprenons à partir des gloses bibliques. Philippe Buc a analysé la manière dont les commentaires de la Bible produisent une théorie du pouvoir qui ressort de notre définition de la fiction politique. Je m'appuie ici sur cet ouvrage important, paru en 1994, L'ambiguïté du livre, Prince, pouvoir et peuple dans les commentaires de la Bible. Ambiguïté parce que le christianisme est une religion du livre et de sa glose. Il y a effectivement une actualisation du message à partir du moment où Jésus est le dernier prophète. Il faut que le livre ne bloque pas le progrès et que le progrès ne périme pas le livre, écrit Jacques Le Goff dans sa préface. Donc, inévitablement, la glose, qui obéit à des règles formelles, hein, marginales ou interlinéaires, et des règles intellectuelles, l'anagogie, l'allégorie, la tropologie, eh bien, va, à partir de ce qu'il y a de plus politique dans la Bible, hein, c'est-à-dire les livres des rois, Samuel, mais aussi Nouveau Testament, créer une Bible glosée dont l'évolution, en particulier de 1150 à 1350, dit quelque chose de la théorie politique en cours. À la fin du XIIe siècle, par exemple, ce qui domine encore largement, c'est la glose allégorique. Lorsque le commentateur lit « rex », il va comprendre l'apôtre, le juste, le saint, rarement le roi. Ce mécanisme de sublimation est déjà une prise de position. C'est une manière de suggérer, au fond, que le vrai royaume est intérieur. C'est donc une manière de rejeter le pouvoir laïque comme accidentel, comme après le péché, comme faute de mieux, malgré en attendant mieux. Première évolution, au fur et à mesure du XIIIe siècle, la glose se fait de plus en plus littérale. Les commentateurs, lorsqu'ils lisent « rex », comprennent « roi ». Ce qui est une manière d'accommoder le pouvoir royal, dans un sens, encore une fois, augustinien, à la société eucharistique. Et donc, il y a une course à la sagesse, à laquelle, effectivement, les clercs doivent opposer, une course à la sagesse des rois, à laquelle les clercs doivent opposer leur monopole sur le vrai savoir. Par exemple, ils le font en glosant le verset d'Isaïe 11:7. Le lion, tel un bœuf, mangera la balle du blé. Ça veut dire, le lion, le roi, pas plus qu'un bœuf, le paysan, n'est digne de séparer le bon grain de l'ivraie. Celui qui sépare le bon grain, c'est-à-dire l'esprit, de la balle du blé, c'est-à-dire la lettre, l'enveloppe de la lettre, celui qui sait faire ça, c'est le clerc. Et face au texte, tout savant qu'il est, le roi, c'est comme un paysan. Il ne sait pas faire. Il bouffe tout d'un coup. Le roi, c'est ça que ça veut dire. Le lion, tel un bœuf, mangera la balle du blé. Il prend tout. Il dévore. Ça veut dire qu'il ne peut pas être exégète. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que lorsque le roi fait une vision, il va demander, dans les deux cas que je vous ai racontés, symétriques, il va demander à un prélat, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête ? Et en règle générale, soit il le sait, soit il ne le sait pas. Si on lui dit, c'est pour le culpabiliser, bah t'es un tyran. Sinon, bah tu le sauras après ta mort. Et au fond, vous voyez comment, à travers simplement la glose, alors par Nicolas de Lyre, le franciscain au milieu du XIVe siècle, cette glose de Isaïe 11:7, le lion tel un bœuf mangera la balle du blé, eh bien, ça pose une distinction essentielle entre la manducation ecclésiastique et la dévoration royale. La première est positive, c'est l'incorporation des sujets dans le corps mystique. Saint-Pierre mange les fidèles parce qu'en échange, le roi du ciel se donne en pâture. Mais les rois du monde, en revanche, ne donnent rien. Ils prennent. Ils ne construisent rien. Ils dévorent. Et ce cannibalisme est l'envers monstrueux de l'Eucharistie. Et voilà pourquoi l'idéologie royale doit toujours repousser cette métaphore terrifiante et s'approprier celle du sacerdoce. Mais ça ne peut se faire que par à-coup, par bricolage. Ainsi, la métaphore eucharistique est-elle cette fiction politique qui, comme toutes les fictions politiques, est réversible ? Et son envers est l'image d'un pouvoir prédateur. Et c'est cela que l'Église, évidemment, va opposer au pouvoir laïque. Prédateur, par exemple, dans ses pratiques sociales les plus courantes. Par exemple, la chasse. La réforme grégorienne distingue au fond, quelle différence entre les aristocrates de la prière, que sont les clercs, et les aristocrates laïcs? Ils vivent dans des palais, ils sont servis, ils vivent de la rente seigneuriale, mais les clercs ne chassent pas, parce qu'ils ne font pas couler le sang. Alain Guéraud a montré que la chasse pour l'aristocratie, si l'aristocratie s'y consacre avec tant d'énergie, ce n'est pas pour se nourrir, ce n'est pas pour s'entraîner à la guerre, c'est pour accomplir un rite de marquage, de domination, avec deux modalités, la chasse au vol, le faucon comme emblème, et évidemment ses connotations érotiques, et la chasse à la grosse bête, avec un épieu, et là encore, le chien, qui est un symbole de fidélité, que tout cela crée une culture proprement laïque, où il est question davantage de régimen que de dominium, où il s'agit au fond de marquer symboliquement l'espace, et où la chasse demeure en tout cas l'une des rares pratiques sociales qui distingue strictement l'aristocratie laïque de l'aristocratie ecclésiastique. Voilà pourquoi, depuis la réforme grégorienne, l'Église ne cesse de la condamner, trouvant dans la Bible des arguments pour dénoncer, livre de Baruch 2,16, les chefs des nations et les dominateurs des bêtes de la terre, ceux qui se jouent des oiseaux du ciel. Voilà pourquoi il n'y a pas un palais sans ménagerie. Voilà pourquoi le thème du roi chasseur occupe une telle place dans la littérature et dans les images médiévales. Voilà pourquoi l'empereur Frédéric II est l'auteur d'un célèbre traité de fauconnerie. Voilà pourquoi, surtout, d'après un chroniqueur, il disait qu'il devait faire lire et relire à son fils Manfred son traité de fauconnerie, je cite, « comme un livre politique ». La chasse est politique, au sens où elle exprime la capacité du prince à domestiquer la nature sauvage, à vaincre le hasard, à s'imposer au règne animal. Et alors que le roi chasse, le prélat, lui, sait se faire obéir par la seule force du verbe. Et c'est là où il faut comprendre, Jacques Bellarin l'a montré, que la tradition franciscaine du Poverello, de François d'Assise, qui parle aux animaux, est beaucoup moins mièvre qu'on le croit d'ordinaire. C'est une figure puissante, précisément à l'envers de la pratique prédatrice du roi chasseur, pour désigner effectivement cette destitution, cette dépossession du pouvoir. Évidemment, au profit d'une autorité plus grande encore, ce renoncement à la force pour quelque chose qui est plus fort que la force. Et voilà pourquoi Louis IX ne chasse pas, et voilà pourquoi Louis XI chasse avec une telle frénésie que les contemporains s'en inquiètent, et voilà pourquoi un auteur comme Thomas Bazin fait de cette passion pour la chasse de Louis XI la cause de la guerre du bien public comme une sorte de figure de la tyrannie où, je cite Claude de Seyssel, il était plus rémissible de tuer un homme qu'un cerf ou un sanglier. De ce point de vue-là, il conviendrait sans doute de défolkloriser, me semble-t-il, la question des droits de chasse, même dans la lecture des cahiers de doléances, hein, parce qu'on voit bien comment s'y joue quelque chose d'absolument essentiel, qui est la figure de la tyrannie. Le roi chasseur fait la bête. Il est comme Machiavel. Il est comme Machiavel le disait, je veux dire. Il est tantôt renard et tantôt lion. Et s'il est l'un et l'autre, c'est parce qu'il il lui faut oublier qu'il fut jadis un ours. Hein, vous savez, il y a ce livre de Michel Pastoureau qui montre l'ours qui fut jadis le roi des animaux, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait un animal comme les autres, parce qu'il est l'autre de l'homme, même stature, même position debout, même disposition des organes. Et il suffit aux hommes d'enfiler la peau de la bête pour faire l'ours. Et nombreuses sont les témoignages de ces fêtes de l'ours païennes, dont simulacres qui cachent une parenté plus fréquente. Et de là, les nombreuses légendes sur les fils de l'ours, nés des amours caverneuses entre une femme prisonnière dans la grotte et l'animal brun et velu auquel on prête souvent une sexualité débridée. Songez que les rois danois s'enorgueillissent de l'origine ursine de leur lignée. Ils ont un ours comme ancêtre, ce qui rend jaloux les souverains de Suède et de Norvège qui mettent aussi en avant l'ancêtre ours qui fonde la généalogie. Songez que le mythique roi Arthur, son nom même, dévoile sa nature ursine. Art, dérivé du latin ursus, désigne l'ours en vieil irlandais. Et vous savez qu'il existe un tabou sur le nom de l'ours que l'on contourne par des périphrases. Le mangeur de miel dans les langues slaves, le brun dans les langues germaniques, d'où procèdent bir, bar, bjorn en suédois. Autant de qualificatifs qui inondent l'anthroponymie et l'anthroponymie. Bon. Et que, au fond, tout l'effort de l'Église montre, là encore, Pastoureau, c'est de pas de combattre l'ours, mais au fond, de le dompter symboliquement. Plus efficace encore que le combat contre l'ours est, au fond, les hagiographies d'ermites puis de saints occidentaux où le fauve perd de sa superbe pour devenir l'humble et servile compagnon du saint qui l'aide à porter ses bagages, à rassembler les brebis égarées, et ainsi naît la figure de l'ours débonnaire et balourd. Teddy Bear, du nom d'un président des États-Unis, Theodore Roosevelt, qui refusa un jour de tuer un ours entravé lors d'une chasse. Donc, de toute façon, tout est de bout en bout politique dans cette histoire. Posons donc comme hypothèse cette tension constitutive entre communion et prédation. Et l'on comprendra mieux alors pourquoi les hommes de pouvoir font la bête. J'y reviendrai, je le pose comme une pierre d'attente. Mais je crois qu'on ne peut se contenter de ce vis-à-vis entre la mendication ecclésiastique et la dévoration politique. Français France Culture vous présente Patrick Boucheron sur les fictions politiques, aujourd'hui le pouvoir cannibale. Il faut bien entrer dans une question plus embarrassante qui est celle de la parenté symbolique entre Eucharistie et dévoration sauvage. On sait bien que la question eucharistique est au cœur de la controverse religieuse du XVIe siècle. décisive. Et de ce point de vue, comme l'a montré Thierry Van Eckfelen, la première controverse, à l'été 1534, entre l'évêque d'Avranches, Robert Senault, et le réformateur protestant de Strasbourg, Martin Bucer, ce dernier demandant aux catholiques de revenir à la doctrine de la première scolastique, celle de Thomas d'Aquin, qui, d'une certaine manière, tentait une conciliation entre la théologie nouvelle de la présence réelle et la tradition augustinienne du signe. Mais précisément, à ce moment-là, la conciliation est devenue impossible. Là, on est à l'été 1534. Le 17 octobre 1534, c'est l'affaire des placards, les écrits séditieux placardés jusque sur la chambre du roi en son, François Ier en son château d'Amboise, qui mettent directement en cause la doctrine de la transsubstantiation. Et on sait bien que cette montée aux extrêmes du conflit religieux, il se fait sur la question de la transsubstantiation. Et il faudrait pouvoir faire une histoire. Alors, on a tous appris ça à l'école, machin, les doctrines eucharistiques, mais c'est pas ça le problème. Il faut en faire une histoire émotionnelle. Ce que Franck Lestringant a appelé la sainte horreur qu'inspire aux calvinistes ce rite barbare et sanglant qu'est l'Eucharistie. Il l'a écrit dans un livre paru en 96 sous le titre « Une sainte horreur ou le voyage en Eucharistie ». Ce ne sont pas des opinions qui s'affrontent, ce sont des affects violents. Les uns considèrent la communion comme de délicieuses agapes, les autres ressentent un dégoût. Ça les fait vomir physiquement à partir du moment où ils voient que c'est le corps d'un homme, puisque le Christ fils de l'homme, ça les fait vomir. Le mystère honni du sacrifice eucharistique, disent les calvinistes, transforme le pain en corps. Ça veut dire que c'est une perversion qui va à rebours du progrès civilisateur, du cru au cuit. Là, c'est du cuit au cru. Et donc, d'où la hantise de la dévoration de la chair humaine qui dévale dans la littérature les tragiques d'Agrippa Aubigné, Hamlet, évidemment, de Shakespeare, avec la mort de Polonius. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui rejoue là, au XVIe siècle, c'est la première accusation que les païens firent aux chrétiens. Et ce, dès le milieu du IIe siècle. Ils disent que nous partageons la chair humaine, lit-on dans Justin Martyr. On est au milieu du IIe siècle. Ils disent, les païens, que nous partageons la chair humaine. Et on sait que l'accusation anthropophagique chez Athénagore, chez Théophile d'Antioche, jusque chez Pline le Jeune, qui, lorsqu'il parle du repas chrétien, euphémise en superstition déraisonnable et sans mesure, chez tous ces auteurs gréco-romains, on n'en parle pas vraiment, on parle à demi-mot du festin de Thieste. Qu'est-ce que c'est ? C'est une allusion à la tragédie de Sénèque où, lors du dernier acte, Atrée, pour se venger de son frère Thieste, qui a séduit sa femme, l'invite à manger ses propres enfants avant de lui révéler, peu à peu, en lui montrant les restes des corps dépecés, ce qu'il vient d'ingurgiter, qui provoque donc chez son frère une douleur irréductible, irrécupérable. Thieste, c'est la tragédie de la violence paroxystique. Et à partir du IIe siècle, on accuse les chrétiens de communier au festin de Thieste. Or, durant les affrontements des guerres de religion, ce paroxysme a été réellement pratiqué. Je n'insiste pas là-dessus, je ne vais pas vous couper l'appétit, mais dans son grand livre sur les guerriers de Dieu, Denis Crouzet a décrit ces scènes de transe au cours desquelles l'anthropophagie est un investissement sacral dans lequel un collectif communie dans cette fête de la violence qui recrée l'alliance mystique entre Dieu et son peuple brisé par la rébellion hérétique. On mange le foie, on le découpe, on le débite, on le vend, on le mange. Le foie, lieu symbolique des passions. Le cœur, parce que le cœur chez les hérétiques est pourri. Manger le cœur immonde, c'est, je cite Denis Crouzet, un sacrifice ou une offrande que l'on fait de soi-même, mimétique du sacrifice de celui qui a pris sur lui tous les péchés du monde. Alors, Au fond, on tourne autour du pot. Violence terrible, machin. Pourquoi ne pas donner à ces anthropophages leur nom de cannibale? L'histoire de ce nom est aussi l'histoire d'un évitement. Elle a été reconstituée par les travaux de Franck Lestringant et elle pose le problème adamique des limites de l'humain. Or, c'est bien la découverte du Nouveau Monde qui met à l'épreuve toute l'anthropologie chrétienne qui avait été pensée justement à partir de la nature du premier homme. Dimanche 4 novembre 1492. Christophe Colomb, l'amiral des mers océanes, a accosté sur une île dont nous savons qu'elle est celle de Cuba. Des Indiens, Arawak, viennent à sa rencontre. Et ils demandent, c'est la question des limites de l'humain. Il s'attend, vous savez, à voir ce qu'il a lu dans Pline, dans Isidore, dans Pierre Dailly, dont il a amené avec lui l'Imago Mundi, c'est-à-dire cette extraordinaire théorie des peuples légendaires. Bah, les premiers qui arrivent, ils sont peut-être bizarres, ils parlent une drôle, ils sont peut-être nus, mais ils sont comme vous et moi. Alors, c'est quoi la question? C'est, ils sont où? Ce que je veux voir, puisque Christophe Colomb, décidément, ne verra pas ce qu'il n'a pas lu. Et quand ce qu'il voit ne correspond pas à ce qu'il a lu, il croit ce qu'il a lu. Ils sont où? Plus loin, les sauvages, toujours au-delà, dans la forêt, sur une autre île, les limites de l'humain. Alors, les Arawaks leur disent, plus loin, c'est ce qu'entend, en tout cas, Christophe Colomb, « Hombres de un hoyo », des hommes avec un seul œil, et d'autres avec des museaux de chiens qui mangent les êtres humains. Bon, alors là, c'est compliqué, parce qu'on est en train de lire le journal de Christophe Colomb, qui n'existe pas vraiment, comme vous le savez, qui est une reconstitution à partir de ce qu'on a cité Bartolomé de Las Casas dans son Histoire des Indes. En tout cas, Colomb entend ce qu'il veut entendre. Il est bien au bout du monde où vivent les peuples fantastiques évoqués par Pline, Solin, Isidore de Séville. Des cyclopes et des cynocéphales. Bon. Après, il s'attend à voir ce qu'il y a dans Pierre Dailly, ce qu'il a emporté avec lui. Après, il y a les blémis, les hommes sans tête avec les yeux et la bouche sur le torse, les panotis qui s'enveloppent dans leurs grandes oreilles pour dormir, les satyres, les faunes, les pieds fourchis, les sciopodes, etc., les pygmées. Bon, Colomb s'en tient toujours à ce qu'il a lu dans les histoires naturelles. Plinius dixit, Pline a dit que. Puis, donc, on lui dit déjà que les hommes de chiens mange des hommes, mais ça, il ne l'entend pas. Puis, le lundi 26 novembre 1492, il interroge à nouveau des Arawaks. Qui est plus loin? Leurs ennemis, des Caribas, disent les Arawaks. Et, en fait, on sait que ce sont les Indiens Caribes, des petites Antilles, ce qu'on appelle aujourd'hui les Caraïbes, Caribas désignant probablement, dans cette langue, c'est le nom qu'ils se donnent eux-mêmes, les ennemis des Arawaks, et c'est le nom de tous les peuples, ça veut dire les hommes, les hardis, les francs. Bon, mais on lui dit Cariba, et il entend Caniba. Parce qu'il a envie d'entendre deux choses. D'abord, Canis, ce sont bien des hommes à tête de chien, et ensuite, Khan, le grand Khan de Tartarie, parce que je rappelle qu'il est en Inde, hein. Donc il est là pour aller voir le grand Khan de Tartarie. Et le voilà donc arrivé où il voulait aller. Et d'ailleurs, lorsque le 24 décembre, il longe les côtes de Sivao, le nom indigène de Haïti, il entend Sipango, le Japon. Et voilà donc ce qu'il écrit à ce moment-là dans son journal. « Je répète donc ce que j'ai plusieurs fois dit, que Caniba n'est pas autre chose que le peuple du grand Khan, qui doit être voisin de celui-ci. Ils ont des vaisseaux, viennent capturer ceux-ci, comme ceux qui sont pris ne reviennent pas, les autres croient qu'ils ont été mangés. » Donc, Colomb a vu des Caribes mangeurs d'Arawak, mais il ne veut pas croire qu'ils sont anthropophages. Ainsi, le mot qui va donner « cannibale » est le mot du déni. Il reste longtemps, effectivement, dans les descriptions, dans les illustrations, un cynocéphale, c'est un homme à tête de chien. les cannibales entrent en littérature avec Rabelais en 1533, et Franck Lestringant, encore lui, a montré comment la figure du cannibale traverse les grands récits de voyage. André Thévet, les singularités de la France antarctique, autrement nommée Amérique, 1557, et évidemment Jean de Léry, histoire d'un voyage fait en terre du Brésil. Tous attestent de pratiques anthropophages. Et tous en font une lecture rituelle. André Thévet, comme à sa suite Jean de Léry, auquel il emprunte beaucoup, retient le motif de la vengeance. Il veut voir dans le plaisir, pourtant évident, pris à manger cette chair, un élément secondaire. En réalité, ce tabou anthropologique demeurera longtemps la lecture rituelle du cannibalisme. Il y a deux cannibalismes. Il y a l'endocannibalisme nécrophage, qui fait partie des rites funéraires, qui est effectivement sacrificiel et rituel, mais il y a l'exocannibalisme meurtrier, hors des situations de survie, manger ses ennemis. Et les anthropologues admettent aujourd'hui que ce cannibalisme institué et meurtrier est un cannibalisme gastronomique, de gourmandise, et que la seule justification des sociétés cannibales, mais pourquoi vous faites ça ? Ils répondent, parce que c'est bon. Et pourquoi on ne l'a pas entendu pendant si longtemps ? C'est là où on atteint quand même un peu le cœur des métaphores qui nous constituent. Eh bien parce que notre alimentation carnée est ce que Claude Lévi-Strauss appelait un cannibalisme élargi. Et que nous n'avons pas, au fond, d'autres justifications, nous-mêmes, quand on est carnivore, à cette pratique que de dire « parce que c'est bon ». Il l'a écrit, Claude Lévi-Strauss, dans un article paru dans les études rurales en 2001, sous le titre « La leçon de sagesse des vaches folles ». Et voici ce qu'on lit. « Car un jour viendra où l'idée que, pour se nourrir, les hommes du passé » le passé de ce futur, c'est-à-dire nous. Les hommes du passé élevaient et massacraient des êtres vivants et exposaient complaisamment leur chair en lambeaux dans des vitrines, inspirera sans doute la même répulsion qu'aux voyageurs du XVIe ou du XVIIe siècle, les repas cannibales des sauvages américains, océaniens ou africains. L'Europe du XVIe siècle a déjà connu cette déstabilisation des certitudes. Parce que la découverte des cannibales du Nouveau Monde coïncidait avec la barbarie de l'Ancien Monde. La certitude que nous sommes les barbares du monde. Voilà la grande découverte des grandes découvertes. Voilà d'ailleurs pourquoi on lit la destruction des Indes de Las Casas au futur. La destruction des Indes de Las Casas, c'est la destruction de l'Occident, par le mal qu'il a fait en Amérique. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, concrètement, Roger Chartier l'a montré, les planches gravées par l'atelier de la famille de Brie, dans son édition de la brève relation de la destruction des Indes de Las Casas, 1598, furent utilisées comme matrice iconographique pour des pamphlets anti-espagnols des rebelles de Hollande, servant de modèle pour la dénonciation des atrocités commises pendant les guerres de religion. Voilà pourquoi le pasteur Jean de Léry, qui fut témoin des pratiques anthropophages des habitants de la baie de Guanabara au Brésil en 1557, fait porter le poids de la plus grande barbarie du côté européen et non américain, parce que les cas d'anthropophagie parmi les assiégés réformés de Sancerre, qu'il a vus, là encore, l'ont plus ébranlé que ceux qu'il évoque à propos des mœurs guerrières des Toupies. Et voilà pourquoi ce qui est en cause dans le chapitre crucial des essais écrits en 1580 des cannibales de Montaigne, qui s'approche au plus près du cœur scandaleux de la sauvagerie, c'est-à-dire l'anthropophagie des Indiens du Nouveau Monde à partir des récits brésiliens. Voilà pourquoi, au fond, ce texte-là où il va au plus près de ce qu'on pourrait appeler une compréhension ethnologique, où il, suspend le plus longtemps possible un quelconque jugement de valeur, où il admet, au fond, que, comme l'a magnifiquement montré Michel de Certeau dans son étude consacrée à Des Cannibales, qui est intitulée « Le lieu de l'autre », où ce qui importe, c'est qu'on écrive, c'est-à-dire, pour de Certeau, qu'on invente son propre lieu, c'est-à-dire, je le cite, « le discours sur l'autre est le moyen de construire un discours autorisé par l'autre. Ce lieu est mon lieu en tant que l'autre y parle. » Ce lieu est mon lieu en tant que l'autre y parle. Et voilà pourquoi, effectivement, Montaigne accueille dans Des Cannibales, faute d'être cannibale lui-même, la possibilité d'écrire à corps perdu. Et voilà, au fond, pourquoi la beauté de sa description du genre de vie des cannibales, au-delà de la manifeste bonne volonté humaniste, eh bien cet effort de description ethnographique, qui reprend d'ailleurs le motif de la vengeance, hein, qui est effectivement le grand tabou, ce n'est pas comme on le pense pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les Scythes, c'est pour représenter une extrême vengeance. L'important, c'est de considérer qu'en faisant tout ça, Montaigne n'abandonne pas le pari de l'universel, qu'il y a effectivement une horreur barbaresque, comme il le dit, à voir effectivement se dérouler ces scènes horribles. Et voilà ce qu'il dit, et entendez bien, « Je ne suis pas mari que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, mais oui bien de quoi, jugeant à point de leur faute, nous soyons si aveuglés aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourment et par guéhenne un corps encore plein de sentiments, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons, nous, non seulement lu, mais vu. » De fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pis est, sous prétexte de piété et religion, que de rôtir et manger après qu'il ait trépassé. » Bon, c'est de la littérature du réel, hein, d'une assez rare violence. Cela, nous ne l'avons pas lu, nous l'avons vu chez nous. Mais alors, on peut donc dire que les anthropophages du Brésil sont des barbares ? Oui. Je cite encore. « Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. » Et nous entendons bien effectivement combien ces paroles sont absolument décisives pour aujourd'hui, parce que notre violence n'excuse pas plus qu'elle n'explique celle des autres, parce que celle des autres ne nous est pas étrangère, au moins nous sert-elle à les regarder, parce que c'est ça aussi le principe de symétrie qui ne désarme en rien ce pari de la raison que porte en lui l'idée d'universel. C'est le sommet du chapitre des essais. Oui, les cannibales sont des barbares, mais ils le sont eu égard aux règles de la raison, et non eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbaries. Et c'est ce qui déclenche effectivement cette extraordinaire puissance humaniste de Montaigne, nous sommes les barbares du monde, ce qui ne nous empêche pas de dire qui est barbare et qui ne l'est pas. Et depuis lors, effectivement, nous naissons fêlés, ébranlés, intranquilles, parce que cette faille, elle est intime, elle est en même temps très ancienne, c'est la cicatrice qu'a fait en nous l'histoire, cette histoire de l'élargissement du monde. Toute la philosophie de Rousseau, par exemple, en porte témoignage. Ainsi, par exemple, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755, lorsqu'il fait du cannibale rencontré par Montaigne le porte-parole d'une sagesse universelle qui nous est devenue étrangère. Et Montaigne disait des Indiens qu'ils étaient des orateurs extraordinaires. Montaigne, Les Essais, livre 1, Des Cannibales.